étant d'une histoire du ciel dans la fabrique cette semaine, ce matin, archéologie aérienne et bombardements aériens. Demain, nous vous proposerons un documentaire de William Irigoyen et Véronique Samuilov consacré à l'aventure des cadets français qui sont partis pour beaucoup d'Afrique du Nord pour rejoindre l'Amérique du Nord et l'aviation américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mercredi, nous nous promènerons dans l'exposition du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris sur les météorites qui, contrairement à ce qu'on pense généralement, sont des phénomènes à historiciser. Et jeudi, nous discuterons de la vision du ciel dans la pensée chinoise. Et aujourd'hui, avec Anaïs Quien, qui co-animera cette émission avec moi, nous traiterons à la fois en première partie de l'invention et du développement de l'archéologie aérienne ou quand la connaissance nous vient du ciel avec Pierre Nouvel, maître de conférence à l'université de Franche-Comté à Besançon, et en deuxième partie de la douleur tombée du ciel, les bombardements aériens avec Thomas Hippler, professeur donc à l'université de Caen et auteur du Gouvernement du ciel, histoire globale des bombardements aériens aux éditions des Prairies ordinaires. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour à vous Thomas Hippler, bonjour. Bonjour. Et bonjour aussi à vous Pierre Nouvel. Bonjour. Vous avez un point commun, sans le savoir, nous avons réuni ces deux sujets qui sont a priori très éloignés l'un de l'autre. C'est le début de ce siècle, la naissance de l'aviation qui va jouer pour l'un et pour l'autre un rôle important, Thomas Hippler, pour la question des bombardements aériens. Bien sûr, assez rapidement après l'invention des premiers avions, on se posait la question, est-ce qu'on peut utiliser ce moyen pour des fins militaires? Et dès 1911, on a expérimenté en Libye. Voilà, et on en parlera avec vous dans un instant. Et puis avec vous, Pierre Nouvel, il faudra attendre un tout petit peu plus de temps, plutôt les années 20, les années 30, pour que on comprenne qu'on puisse faire quelque chose en matière d'archéologie, non pas en rasant le sol, mais en le survolant. Oui, je pense que la découverte de sites archéologiques s'est faite bien avant, depuis des points hauts. Mais effectivement, c'est la conjonction entre le développement de l'aéronautique et puis le développement des grandes archéologies françaises, en particulier en Moyen-Orient, qui a fait qu'on s'est aperçu que les deux moyens pouvaient se retrouver. Et l'espace parcouru, on en parlera tout à l'heure avec Thomas Hippler, c'est l'espace colonial qui va beaucoup être utile aussi à ces archéologues. Alors commençons par le premier d'entre eux, en tout cas en France, il s'appelle Antoine Poitbard. Oui, Antoine Poitbard, c'est un personnage assez particulier, sa bibliographie est extrêmement épaisse. Il était jésuite et il a été enrôlé dans les armées pendant la Première Guerre mondiale. Et il a poursuivi son travail en Syrie. Au moment où la France a le mandat sur la tout Syrie à fait, et le Liban. Mandat sur le Liban et sur la Syrie. Et il a voulu travailler sur les pistes caravanières. Et donc, il a demandé à ses collègues qui pilotaient les avions de pouvoir prendre l'avion pour voir si on voyait les traces de ces pistes. Et il a pu découvrir les traces en élévation des forts du limès syrien romain. Anaïs Quien. Alors effectivement, lorsqu'on prend un petit peu de distance, on voit mieux ce paysage. Mais il y a aussi des exigences de lumière, je crois, constatées par Antoine Poitbard. À certains moments de la journée, on voit mieux certaines traces. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'avion est un outil pour prendre de la distance par rapport au sol. Parce que ce sol, c'est lui qui va révéler les anomalies qui vont être liées à la présence de sites archéologiques. Alors, soit enfouis, c'est dans nos régions le cas, puisque tous les terrains sont labourés depuis des centaines et des milliers d'années. Ou alors, dans des micro-reliefs qui sont le résultat de l'effondrement de bâtiments anciens. C'est ce qui se passe en Syrie, puisqu'on est dans le désert, il n'y a pas de végétation, ces terrains n'ont jamais été élaborés, et les forts du limès romain qui ont 2000 ans sont effondrés sur place. Alors, quand on est devant, on peut voir les vestiges, mais l'intérêt de l'avion pour Poitbard, c'est d'avoir une vision verticale, de pouvoir en dresser un plan, d'en avoir une vision d'emblée générale. C'est ça l'intérêt de la photographie aérienne. C'est pas de permettre de découvrir de nouveaux sites qui pourrait être trop autrement. Mais c'est de pouvoir faire un diagnostic même de l'envergure du chantier éventuel ou en tout cas du site archéologique. Oui, on disposait d'un plan rapidement de localiser un site et d'en avoir un plan rapide. Alors ça n'est pas pour rien non plus que ça se déroule dans un terrain qui est un terrain colonial, pourrait-on dire, puisque la France a le mandat sur la Syrie et le Liban, et qu'il faut aussi peut-être contrôler. Et la Syrie, ça sera difficile à contrôler. Il faut aussi contrôler les populations. Donc il y a à la fois une volonté purement de savoir et de connaissance pour pouvoir donc découvrir ces pistes caravanières qui sont cherchées par Antoine Poitbar. Et puis peut-être aussi, accessoirement, aider l'armée dans la façon de dresser les plans aussi. Peut-être les deux vont ensemble ou pas ? Ce n'est pas explicite chez Antoine Poitbar, mais ce que l'on voit, c'est que depuis la Première Guerre mondiale, il y a la tradition de dresser des orthophotographies. On le connaît très bien à partir de 1916 sur le front de Verdun ou même sur le front de la Somme. On a des observateurs aériens qui vont être spécialisés dans la prise de vue verticale. Et d'ailleurs, quand on a des photos de Poitbar, on s'aperçoit qu'il a monté un appareil de photographie verticale sur une tourelle de mitrailleuse d'avion. Et on voit donc qu'il y a finalement déjà en amont de lui un certain nombre de techniques de photographies qui ont déjà été utilisées pour photographier des vestiges, alors archéologiques modernes, puisque c'est les tranchées de la guerre 14, mais qui ont déjà, donc la technique existe déjà. Par contre, je ne sais pas si Poitbar avait vraiment une vision, était vraiment mandaté, même si là, on a parfois dit qu'il était barbou, ce qui oui, avait on a quand même un peu dit, voilà. Comme souvent des archéologues dans la première période. On l'a dit, mais peut-être qu'on ne l'a pas trouvé. Voilà, on l'a pas, voilà, c'est ça. Comme souvent. Toujours est-il, c'est que quand il monte en avion, d'après ce qu'il écrit, il le fait uniquement dans une vision d'historien. Alors, ça, c'est la France. En même temps, la Grande-Bretagne, qui est aussi une puissance coloniale, développe aussi ses propres moyens d'archéologie aérienne et peut-être même de façon plus précoce que la France, avec une systématisation encore plus accentuée, non ? Alors c'est assez paradoxal parce que la Grande-Bretagne va démarrer un petit peu plus tard. Véritablement, l'archéologie aérienne, au sens où on l'entend, c'est... c'est Sir Kenneth Saint-Joseph qui va développer cette archéologie en Grande-Bretagne essentiellement pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est lié finalement au survol de la France par des avions de reconnaissance qui s'aperçoivent qu'il y a des vestiges dans les blés qui peuvent révéler des sites archéologiques. Et Kenneth Saint-Joseph, pendant les années 40, va développer en Grande-Bretagne un projet qui cette fois-ci n'est pas sur des vestiges effondrés, mais sur des champs labourés dans lesquels les céréales vont révéler la présence de murs ou de fossés. Donc c'est une archéologie aérienne des pays tempérés, qui est très différente. Anaïs, tiens. Bon, on a la sensation que cette archéologie aérienne est très liée aux fruits du hasard, finalement, à ces arpenteurs du ciel qui sont là pour diverses raisons et qui découvrent ces taches, ces formes géométriques sur le sol, que ce soit en contexte colonial ou sur le sol européen, qu'on peut peut-être faire quelque chose de cette géographie qu'on découvre depuis le ciel. Oui, sauf que c'est le miroir de l'archéologie française. C'est-à-dire que jusque dans les années 90, l'archéologie française est une archéologie de bénévoles, d'érudits, de notables, qui vont faire de l'archéologie quand le temps le permet, quand les moyens leur sont disponibles. Et l'archéologie aérienne est exactement dans cette dynamique, puisque jusqu'à maintenant encore, la totalité des vols sont faits par des bénévoles, dans un cadre bénévole, même s'il a été... On a tenté de l'institutionnaliser à partir des années, on va dire 1980. Et donc, chaque notable, chaque bénévole local voulait monter un petit peu en avion, voir son terrain. Et donc, il n'y a pas de systématisation, contrairement à l'Angleterre d'ailleurs. Mais en Angleterre, on assiste à l'invention d'un programme, d'un inventaire archéologique aérien ? Tout à fait, parce que la particularité, c'est que Kenneth Saint-Joseph, qui développe ça en Grande-Bretagne, il est d'Oxford, et il va avoir des moyens universitaires. Il est lui-même universitaire, chose qui ne va pas se voir en France du tout. C'est d'ailleurs très intéressant de voir ça, c'est-à-dire qu'il y aura même une réticence. Je me souviens de mes études d'archéologie au début des années 80. J'étais passionné par les travaux de quelqu'un dont on va peut-être parler avec vous, qui s'appelle Roger Agache, qui est donc beaucoup fait pour la découverte des vestiges archéologiques en Picardie, d'où il était originaire. J'étais passionné par ça, mais peu de gens étaient passionnés. Et au bout du compte, on disait c'est quand même un peu une archéologie un peu bizarre tout de même. Voilà, repérer les sites du ciel, ça n'est pas véritablement la même chose que d'aller les fouiller au sol. Plus généralement, aller faire de l'archéologie avec des bottes, c'était assez mal vu. Quand on prend l'exemple de l'archéologue Raymond Chevalier, qui a développé aussi beaucoup l'archéologie aérienne, qui a publié un certain nombre d'ouvrages, qui a au départ et qui a fait un grand un grand colloque en 1983 à Paris, un colloque international qui a lancé un peu cette discipline internationalement, enfin qui l'a couronné. Le départ de la reconnaissance de cette archéologie aérienne. Raymond Chevalier, lui, ne monte pas véritablement en avion, en tout cas il n'a jamais fait vraiment de prospection aérienne au sens où on l'entend. Par contre, cet archéologue qui a travaillé essentiellement sur les travaux des autres. Et le cas de Roger Agache, est tout à fait caractéristique, puisqu'au départ, c'est un bénévole, il est instituteur. Et donc, il est devenu archéologue par le biais de la photographie aérienne et par le biais aussi des prospections terrestres. Prospection terrestre et prospection aérienne, découvrir les sites archéologiques, c'est un travail de bénévole, c'est pas un travail de spécialiste, on va dire. Au départ, en tous les cas. Au départ, bien sûr. Il y a peut-être une évolution de l'archéologie qui accompagne ou qui est soutenue par cette archéologie aérienne, qui est le développement de ce qu'on appellerait fouiller du mou, c'est-à-dire progressivement, et dans les années 60, d'ailleurs je crois que ça part de l'université de Caen, me semble-t-il, on apprend à fouiller de la terre et à sortir un petit peu de cette archéologie de pierre qui est dominante jusque-là. Ou d'archéologie de salon, si on veut être un petit peu méchant. C'est-à-dire l'archéologue. Je vous en laisse la responsabilité. Des archéologues en souliers plutôt que des archéologues en bottes. Effectivement, cette archéologie des années 70, elle est confrontée à la transformation de notre territoire. C'est-à-dire que depuis les années 60, le territoire est très profondément transformé. La création des périphéries urbaines, les grands travaux d'infrastructures routières vont détruire des sites archéologiques et ça va être visible par tout le monde. Qu'on soit spécialiste ou pas spécialiste. Et finalement, cette confrontation, cette interpénétration des besoins actuels et de la découverte du passé, eh bien, ça va conduire beaucoup de chercheurs, qui ne sont pas archéologues au départ, à devenir archéologues. Et finalement, le milieu universitaire, qui lui était vraiment à la traîne, travaillait essentiellement à l'étranger, va être, en quelque sorte, contraint de se pencher sur son territoire proche. Donc on voit un petit peu la pour la ne distance. Pas se faire spolier son propre territoire intellectuel d'une certaine façon. C'est un petit peu ambitieux parce qu'il n'y avait pas de spécialité d'archéologie qu'on appelait traditionnellement de plus grenier archéologie nationale. Il y a surtout de l'archéologie à l'étranger, c'était du soft power français. Et donc on va comprendre l'intérêt finalement de développer une archéologie nationale. Alors il y a les grands travaux d'infrastructure qui vont faire partie de cela, la naissance de l'AFAN, l'Association française d'archéologie, donc parce que c'était la le national. National pardon et qui est devenu souvent le dernier c'est national. Aujourd'hui c'est l'INRAP donc qui lui a succédé et puis il y a surtout ces méthodes qui sont improvisé par les premiers archéologues aériens. Roger Agache, il doit inventer des choses. Alors, dans les années 20, il y avait Crawford qui avait fait une sorte de manuel en Grande-Bretagne qui disait qu'il fallait photographier au moment où, au printemps, au moment où la végétation changeait, parce que cela permettait justement de voir les différences dans les champs des structures entre certains passages de ces champs qui permettaient de découvrir les structures bâties ou enfouies sous la terre. Et lui, Agache, il dit « bah non, moi, à force de passer avec mon avion au-dessus de la Picardie, on pourrait dire que c'est mieux de le faire en hiver, par exemple. » Donc on apprend au fur et à mesure qu'on avance comment on peut repérer des sites, et ces sites, on en repère par milliers et même dizaines de milliers, en l'occurrence, Pierre Novelle. Tout à fait. Alors, premier point, déjà, on parle d'Agache qui a travaillé sur des labours. Il faut bien se rendre compte que l'archéologie aérienne, elle est aussi conséquente de l'évolution du territoire. L'archéologie aérienne, elle s'est développée à cette époque-là parce que les labours profonds, la charrue arrive, on dit qu'il faut labourer à 40 cm de profondeur, donc les sites archéologiques vont être bouleversés. Et Roger Agache a été le spectateur de cette révolution rurale. Mais à partir des années 80, on dit qu'il ne faut plus labourer, il faut hercer. Donc l'archéologie d'hiver sur labour n'a plus d'intérêt. On revient à une archéologie qu'on appelle d'évolution phytographique, c'est-à-dire d'anomalies de pousse des blés, des céréales en général. On connaît tous le principe, les blés au-dessus d'un fossé vont pousser plus haut, plus drus vont rester plus verts, au-dessus d'un mur vont rester plus bas et vont mûrir plus rapidement. Alors que les fossés ou les trous constituent des réserves d'eau pour les plantes. Et donc cette méthode, elle est encore efficace aujourd'hui. Et on a l'impression en France qu'on connaît tous les sites archéologiques. Alors sans vouloir faire d'estimation le doigt levé, on pourra dire qu'on connaît en France 5% des sites archéologiques en gros. Et l'archéologie aérienne permet ou permettrait d'en découvrir des milliers par an. Un exemple, la campagne de 2011 en Poitou-Charentes, par exemple, a permis de révéler près de 2500 sites, dont plus de 2000 totalement inédits. C'est-à-dire qu'on ne les a pas documentés auparavant, voilà. Et c'est l'archéologie aérienne, le survol systématique d'un territoire qui permet de les découvrir, c'est cela? Tout à fait, on peut découvrir des villes, des agglomérations romaines entières, totalement méconnues, des sanctuaires, des nécropoles. Anaïs Kien. Et qu'est-ce qu'on fait justement de cette multitude de sites qu'on découvre tous les jours? On imagine bien qu'on peut en constituer des bases de données, mais ces photos aériennes ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. Il faut bien sûr aller de temps en temps vérifier quand même ce qu'on a sous les yeux. Il y a deux choses. Il y a cette nécessité de collecter l'information, qui est une nécessité de la loi, qui oblige le ministère de la Culture à faire une carte archéologique de tous les sites archéologiques qui existent en France, qui permet de gérer un petit peu leur destruction, leur étude. Et donc, cette base de données va être abondée par ces découvertes de prospection aérienne. Ça, c'est un premier point. Mais le problème, c'est que la prospection aérienne va fournir également un grand nombre de données au caractère scientifique affirmé. Pour donner un exemple, je parlais de la Vienne tout à l'heure, ces 950 fermes gauloises qui sont sorties comme ça en une année. 950 Voilà. Ferme gauloise et romaine, fossoyée, on va dire. Je ne savais pas que dans mon village, il y avait une ferme gauloise, je vais le découvrir maintenant. On retrouve les populations aussi. On a la possibilité d'avoir une vision des territoires anciens, sachant que se pose la difficulté de la datation de ces sites. C'est pour ça que j'hésitais tout à l'heure en disant gaulois, romain. Il faut évidemment faire un certain nombre de vérifications au sol qui ne sont pas possibles financièrement, physiquement. Donc, on reste malgré tout avec des données qui sont discutables et discutées. Oui, parce que les premières prospections aériennes, pourrait-on dire, dans ces années 60, attribuent souvent à la proto-histoire, ce qui peut revenir au XIVe siècle, parce qu'effectivement, si on ne voit pas, on ne rentre pas dans la Terre et on ne commence pas à fouiller, d'une certaine façon, on ne sait pas très bien ce dont il s'agit. C'est vrai que si on voit des trous de poteaux et des bâtiments un peu longs, et on peut imaginer qu'il peut s'agir justement de bâtiments préhistoriques. Ou des formes carrées et des formes rondes, on ne sait pas très bien ce qu'on peut en tirer de cela sans avoir d'analyse supplémentaire en allant sur le terrain. Alors disons qu'il y a deux choses, il y a des formes qui vont être caractéristiques. Des enclos circulaires fossoyés ou quadrangulaires vont être attribués à des nécropoles du premier âge du fer ou du second âge du fer. Des éléments maçonnés sont essentiellement d'époque romaine ou d'époque fin médiévale moderne. De même que des bâtiments au plan particulier, on peut les dater comme ça a priori. Mais il reste toute une multitude d'anomalies qui ne vont pas être datées. Et d'ailleurs, comme le disait Roger Agache, on ne photographie que ce que l'on connaît. Et je me rappelle justement... Uniquement ce qu'on arrive à repérer à la nuit. Est-ce que l'on connaît véritablement? Je n'étais pas né. Mais dans les années 70, André Heurtaud, qui prospectait sur le sud de la Seine-et-Marne et le nord de Lyon, avait découvert des espèces de grandes anomalies allongées, forme de gouttes d'eau, qui ont été fouillées seulement dans les années 80, qui s'appellent les structures type Passy, qui sont en fait des grandes tombes du néolithique moyen. Initialement, on croyait que c'était des anomalies hydrologiques, des sources. Et donc, ces éléments-là, on ne les photographiait pas parce qu'on considérait que c'était des choses qui n'étaient pas archéologiques. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à attribuer une forme à quelque chose de déjà connu, d'une certaine façon, on va passer à côté, même si on passe au-dessus avec son propre avion, en l'occurrence. Voilà, effectivement, c'est le défaut de cette méthode, qui est une méthode qu'on pourrait qualifier d'empirique. Tout du moins, dans les années 2000, au moment où on a pu bénéficier, et ça c'est la grande révolution de l'archéologie aérienne, malheureusement il n'y a pas grand monde qui l'a fait, du dépouillement des orthophotographies livrées par l'IGN en particulier, mais par Google Earth ou par Bing Maps par exemple, qui livrent finalement sur Internet des orthophotographies qui portent des multitudes, des centaines de sites archéologiques. Mais qui ne sont pas exploitables si on ne documente pas son regard pour pouvoir les déchiffrer. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un archéologue, d'ailleurs, qui identifie des formes qui ont un caractère archéologique, c'est-à-dire qui ont des structures qui ont été faites par l'homme. Alors, aujourd'hui, vous dites qu'il y a des découvertes en nombre. Vous participez à de nombreux colloques bien nouvelles sur ces questions. Qu'est-ce qu'on en fait de ces découvertes au bout du compte si on n'a pas l'argent pour pouvoir faire un atlas raisonné, pourrait-on dire, de ce territoire français, par exemple? Si on n'a pas l'argent pour aller faire des fouilles dans ces endroits-là qui peuvent être menacés à un moment ou à un autre de destruction, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir qui, d'une certaine façon, est à disposition et là, sous nos yeux? On se dit, il y a sûrement des découvertes absolument extraordinaires à faire, comme lorsqu'on a fait les grands trajets de TGV des années 80 jusqu'à aujourd'hui, ou les grandes autoroutes. Mais on ne peut rien en faire parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Alors cette question, elle est à la croisée de l'archéologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'archéologie, elle est à la fois, un objectif de protection, c'est-à-dire chercher à identifier les sites archéologiques pour pouvoir mieux les protéger, et également un objectif de recherche. Donc cette donnée, elle va fournir ces deux banques de données. D'une part, la carte archéologique nationale qui va enregistrer les sites archéologiques et permettre de les fouiller en cas de destruction. Donc ça, c'est l'archéologie préventive. Et puis, l'archéologie programmée elle-même peut profiter de cette carte archéologique pour essayer de reconstituer l'organisation des territoires à des périodes données. Le problème, évidemment, c'est la conservation, ne serait-ce que l'enregistrement de l'information. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ces photographies aériennes avaient été acquises par des bénévoles. Et qui dit bénévole dit collection privée, en quelque sorte. Et l'essentiel de ces clichés, mais je parle ici de dizaines, de centaines de milliers de diapositives faites dans les années 70, sont dans des collections privées. Alors parfois, les héritiers sont pertinents et intelligents. Je pense aux héritiers de René Goguet, qui ont donné la collection des photographies aériennes de René Goguet aux archives départementales de la Côte d'Or. Mais d'autres collections sont restées en état. Ou ont été dispersées. Dispersées, peut-être détruites. Anaïs Kien. Peut-être je vais rebondir sur votre question, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, de quoi déjà? Parce que n'oublions pas que jusqu'en 2006, c'est des éléments physiques, des diapositives. La collection de Roger Agache, c'est des centaines de boîtes de diapositives. Qu'est-ce qu'on en fait? Elles sont commentées malgré tout? Elles sont accompagnées? Pour ce qui est de Roger Agache, elles sont très bien localisées, puisque Roger Agache est après passé au service régional de l'archéologie de Picardie. Donc il a eu avec lui d'autres spécialistes, je pense à Bruno Brelard, qui ont localisé ces différents sites. Mais d'autres collections sont parfois moins bien localisées. Donc il y a un travail, une relecture à faire de la localisation de ces photographies aériennes. Mais aussi, il faut les transformer pour qu'on puisse les conserver, les numériser, les conserver dans des lieux pour pouvoir y revenir. Et cette numérisation, c'est un travail faramineux. D'autant que vous êtes rattrapé par les moyens techniques qui font qu'aujourd'hui, le savoir est encore décuplé, il y a d'autres moyens. On n'a pas le temps de parler du LIDAR, qui est une sorte de... c'est un radar aérien qui permet de lire le sous-sol des sols, justement, et de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, qui permet peut-être aussi des découvertes archéologiques. Enfin, c'est un laser qui permet d'avoir une idée de la microtopographie du sol, mais ça permet de découvrir des sites qui font des bosses dans les bois, par exemple. Ouais, et donc, d'une certaine façon, vous avez plus de savoir, plus de connaissances qui arrivent, et la nécessité de classer les précédents qui n'ont déjà pas été classés, en l'occurrence Pierre Nouvel. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit la différence avec la Grande-Bretagne, où effectivement, à Oxford, existe un cabinet de photographie aérienne où tout a été centralisé depuis les années 40. Chez nous, c'est dispersé, c'est dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a des discussions, mais très récentes, avec la plateforme Humanum, par exemple, pour essayer de trouver des lieux où on puisse rassembler l'information. Mais il faudra encore des spécialistes. Et comme ces spécialistes de photographie aérienne sont tous des bénévoles, souvent relativement âgés, finalement, c'est une donnée qui est partiellement en déshérence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement des générations de ces archéologues? Non, parce que les bénévolats est en fin de vie. En régression très forte, malheureusement, de mon point de vue. Alors, on a quelques initiatives. Je pense à Alexandra Cordier, mais ils sont relativement rares. L'essentiel des photographes aériens sont soit décédés, soit très âgés. Donc cette spécialité n'existe quasiment plus. On va dire. Ah oui, c'est-à-dire que et on ne met pas en place de campagne d'archéologie aérienne comme on a pu mettre en place, là c'est la nécessité fait loi, des campagnes d'archéologie sous-marine par exemple. Absolument pas, puisqu'il n'existe pas au ministère de direction spécialisée, de spécialité même d'archéologie, et donc c'est laissé à l'initiative des chercheurs. Et comme les chercheurs maintenant sont essentiellement des professionnels, on a relativement peu d'initiatives. Et vous voulez dire que cette archéologie aérienne que vous pratiquez vous-même, en l'occurrence Pierre Nouvel, serait encore redevable de sa naissance un peu par braconnage, pourrait-on dire, et qu'elle ne serait pas rentrée dans le grand domaine de l'archéologie aux yeux des archéologues eux-mêmes, en l'occurrence Pierre Nouvel? Probablement. Probablement parce qu'on s'aperçoit finalement que cette donnée, elle est relativement peu prise en compte, essentiellement parce qu'elle n'a pas le caractère systématique que veut aujourd'hui prendre l'archéologie. Ces découvertes aléatoires, faites au gré des saisons, au gré des évolutions des blés. Et ça, pour des esprits effectivement rationnels, dont je suis évidemment. Vous êtes maître de conférence à Besançon tout de même. C'est compliqué parce qu'on préfère évidemment des professions systématiques. Et donc, on préférerait... Et vous ne pouvez pas faire pression les uns ou les autres pour la nécessité d'avoir un programme systématique de découverte du territoire national, par exemple, par cet intermédiaire de l'archéologie aérienne? Il faudrait des initiatives et du temps personnel. Hein, c'est quand même beaucoup de temps. C'est 40 heures, par exemple, par an, en ce qui me concerne, de vol. Et puis, des centaines et des centaines d'heures de classement, de bases de données, etc. Puis c'est un investissement, même si le coût est élevé. Alors, mais la rentabilité, en termes de découverte de sites est grand. Je ne sais plus, vous me donniez le ratio tout à l'heure. Oui, oui. Alors effectivement, pour des 40 heures de photographie aérienne sur la Bourgogne, la Franche-Comté ou la Champagne-Ardenne, on va découvrir bon an, mal an, entre 400 et 1000 sites archéologiques. Donc, c'est rentable au sens financier du terme. Par contre, il faut traiter tout ça et on est très très peu à s'y intéresser, véritablement. Merci beaucoup, Pierre Nouvel, d'être venu nous présenter à la fois l'histoire de cette discipline relativement récente, même si elle a presque un siècle d'existence pour ses premiers pionniers, mais aussi, effectivement, outre cette histoire, l'actualité de cette discipline de l'archéologie aérienne en France. France Culture. La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une histoire du ciel dans la fabrique de l'histoire, en deux parties pour l'émission de ce matin. Nous venons d'entendre Pierre Nouvel nous parler de la question de l'archéologie aérienne avec Anaïs Quin qui coanime cette émission avec moi. Et nous allons recevoir maintenant, donc on l'a entendu au tout début de cette émission, Thomas Sippler, qui est l'auteur d'un livre paru en 2014, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ans, aux éditions des Prairies Ordinaires, qui s'appelait « Le gouvernement du ciel, histoire globale des bombardements aériens ». Anaïs Quin. Oui, alors c'est un livre qui est devenu un petit peu compliqué à trouver aujourd'hui, mais c'est possible quand même. On le trouve encore. Où vous faites une histoire de l'invention du bombardement aérien, une histoire très politique de cette invention qui commence en 1911. Et vous aviez publié d'ailleurs au moment des bombardements en Libye, très récent, en 2011, justement cet écho de l'histoire que l'on pouvait trouver dans cet événement à la fois militaire et de politique internationale, Thomas Sippler. Exactement, c'est surtout ces bombardements en Libye en 2011 qui m'avaient frappé par une coïncidence vraiment très très troublante en termes de chronologie, puisque ces bombardements ont pris fin octobre 2011, donc exactement un siècle après le largage de la toute première bombe par avion. 1er novembre 1911, en Libye. Premier largage d'une bombe un petit peu artisanale quand même. Tout à fait artisanale. Il s'agissait à l'époque d'une initiative quasiment privée d'un aviateur italien qui était dépêché sur le continent africain essentiellement pour faire de la reconnaissance aérienne. Donc Pierre Nouvel disait tout à l'heure très judicieusement que au départ on s'imaginait pouvoir employer cette nouvelle technologie à des fins de reconnaissance. Donc de photographier, d'observer ce qui s'est passé sur le sol et de tenir les états-majors informés. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'une guerre d'expansion coloniale italienne qui imagine à quel endroit elle pourrait justement étendre son empire colonial et s'installer, ce qui va déclencher une guerre avec l'Empire ottoman. Exactement. Donc les Italiens sont un peu venus tard sur la scène du colonialisme. Et donc en 1911, il y a une tentative de prendre du territoire en Libye, qui est un territoire officiellement sous contrôle ottoman, effectivement. Alors, il s'appelle le lieutenant Giulio Gavotti, c'est ça? C'est ça, exactement. Et vous avez retrouvé une de ses lettres où il dit à sa famille « J'ai décidé d'essayer aujourd'hui de larguer des bombes de l'aéroplane ». Alors, comment lui vient l'idée de larguer des bombes de l'aéroplane? Parce que en l'occurrence, il peut faire de la reconnaissance, regarder ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi cette idée de, à la main, avec en gardant le détonateur dans la bouche et en conduisant avec l'avion avec l'autre main, il va se mettre à bombarder une oasis en Libye? Eh bien, c'est quelque chose qui est assez troublant à constater, que très souvent, dans l'évolution des moyens militaires, on se pose pas d'abord la question des finalités. C'est-à-dire, on a ces moyens, on a des avions. Et on se dit, bon, on peut bien s'en servir pour faire de la reconnaissance. D'accord. Il se trouve que pendant cette guerre, la reconnaissance perd plus ou moins son intérêt. puisqu'on s'imagine qu'on va pouvoir faire de la reconnaissance comme on imagine le faire en Europe, c'est-à-dire regarder quels trains vont être utilisés pour transporter les troupes, etc. On cherche les grands mouvements de troupes avec cette reconnaissance. Exactement, aérienne. Et tout cela n'existe pas, tout simplement. On parce que c'est une guerre de guérilla. Exactement. Du coup, ces quelques aviateurs se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il y en a un qui dit, essayons de larguer une bombe et voyons ce que ça donne. Mais c'est ce qui me paraît très, très, très, très marquant, d'ailleurs, dans le début de votre étude, Thomas Hippler, c'est ce changement d'ennemi qu'induit l'invention de l'aviation de guerre. C'est-à-dire que jusque-là, une guerre régulière, c'était une armée contre une autre armée. Et là, tout à coup, les cibles changent de nature. Alors, on essaye de les sélectionner, de les circonscrire, mais bien souvent il s'agit de cibler un ensemble socio-économique et donc l'ensemble d'une population, l'ensemble de ses ressources et des circulations de ses ressources. Et là, on change complètement l'identité de son ennemi et donc la nature de la guerre elle-même. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Et de ce point de vue-là, ce tout premier bombardement me semble très important parce qu'il préfigure une bonne partie de ce qui va suivre. Là, en l'occurrence, il s'agit de bombarder en oasis dans lequel on pense qu'il y aura des insurgés potentiels qu'on va pouvoir bombarder et donc empêcher de mener des actions militaires. Il se trouve qu'on bombarde en même temps tout un système socio-économique, comme vous dites, et c'est exactement dans cette veine qu'on va plus tard utiliser cette technique militaire afin d'attaquer des ensembles socio-économiques, c'est-à-dire des nations tout entières. Oui, alors vous évoquez en particulier le travail que font les Britanniques, ça n'est plus les Italiens en 1911, mais ce sont les Britanniques après la Première Guerre mondiale, dans le même espace dont nous parlait tout à l'heure Pierre Nouvel, cet espace moyen-oriental, donc du côté de l'Irak en particulier, où vous dites qu'ils inventent deux types d'usages de l'aviation, le police bombing d'abord d'un côté, et vous allez nous expliquer ce que vous appelez ainsi, et le blocus aérien, qui sont deux façons d'utiliser l'aviation pour pouvoir justement mettre à mal un ennemi qui est à terre. Eh bien, c'est pas moi qui appelle cela police bombing, c'est les Britanniques eux-mêmes, donc ce bombardement policier. Police signifie dans ce contexte la police impériale, c'est-à-dire de défendre la domination coloniale contre les insurrections. Il s'agit là, comme vous dites, d'un espace qui a été repris après la Première Guerre mondiale par des Français et des Britanniques qui se partagent en 1916 le territoire. Les Britanniques prennent ce qui est aujourd'hui l'Irak. Il se trouve qu'après la guerre, ils n'ont tout simplement pas les moyens d'occuper ce territoire. Et du coup, on décide d'essayer d'autres moyens de le contrôler et on va stationner quelques escadrons d'aviateurs à Bagdad avec comme mission d'aller bombarder des tribus insurgées en cas de révolte contre cette domination britannique. Donc, et là, c'est même le rapport colonial qui est changé par l'avènement de cette technique. C'est-à-dire qu'on ne pacifie plus en occupant. Mais on s'adonne justement à ces activités de police qui ne sont là que pour faire peur d'une certaine façon et figer une situation. C'est exactement ça. On ne se préoccupe plus d'occuper le sol. Du coup, on intervient relativement peu dans la structure sociale de ces populations. Donc ils peuvent plus ou moins faire ce qu'ils veulent, à condition qu'on ne va pas se rebeller ouvertement contre la domination britannique et on va permettre aux Britanniques de produire le pétrole et d'avoir une paix relative dans ces territoires. Mais alors ce glissement de l'usage de ces bombardements aériens du contexte colonial au contexte régulier, aux guerres régulières, ne va pas se faire sans mal. D'ailleurs, il y a des critiques aussi bien du côté du corps politique français que britannique, à savoir de ce renoncement à la mission civilisatrice de la colonisation. Absolument. Qui serait dommageable, ne serait-ce que pour les valeurs auxquelles croient encore peut-être certains de ces hommes politiques et les vertus de cette colonisation européenne. Absolument, on a une grave crise de légitimation, en l'occurrence. Et de ce point de vue, on peut voir un glissement dans les justifications qui vont plus ou moins s'approcher à quelque chose comme une défense de la culture autochtone. Hein, donc on veut respecter les cultures, les civilisations de ces colonisés au lieu de les assimiler à un universalisme des colonisateurs. Tout à fait. Alors il y a les Britanniques, les Français aussi vont pratiquer la guerre aérienne assez tôt dans leur espace colonial, c'est pendant la guerre du Rif, dites-vous, en 1925 au Maroc, et progressivement toutes les puissances coloniales vont utiliser l'avion dans la maîtrise supposée des populations qu'ils ont sous leur contrôle. En coupant les routes, en empêchant les lieux de ravitaillement, enfin ce qu'on fait dans une guerre habituelle, mais là de façon un peu particulière, on ne détruit pas les ponts comme on le fait en Europe, mais là on va couper les routes en bombardant pour empêcher les populations d'aller se nourrir ou d'aller chercher du bétail ou d'aller chercher de l'eau par exemple. Exactement, et donc cela me permet de revenir à votre question de tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu, ce que c'est le blocus aérien. Il s'agit précisément de cela, de comment c'est des bombardements d'un oasis, par exemple, par quelques jours de bombardements lourds, et ensuite bombarder légèrement, c'est-à-dire suffisamment fort pour que les habitants ne puissent pas retourner, les tenir loin de leur point d'eau, pâturage, etc. Et donc, en gros, de les placer devant l'alternative de ou bien se rendre, ou bien mourir de faim. Il faut briser la force de la volonté de la nation ennemie et faire cela... Et l'objectif de toute nation en guerre, dit le premier commandant de l'école de guerre britannique au tout début des années 20, justement, au moment où on commence à mettre en place ce qui va devenir justement la Royal Air Force. Et cela, ça va être la doctrine qui va être partagée par toutes les puissances impériales des années 30, c'est cela en l'occurrence ? Absolument, et ça c'est, disons, l'idée que j'ai essayé de développer dans ce livre, en disant qu'il y a un lien fort entre ce qu'il se passe dans l'entre-deux-guerres, dans les colonies, et ce qui va se passer ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier en Europe. Avec cette question de fond qui est, comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela devienne possible de soumettre des populations européennes à un traitement qui était auparavant réservé aux colonisés ? Oui, parce que c'est ça le problème, c'est le glissement entre le terrain colonial et le terrain européen pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, il y aura tout un ordre, disons, un ordre global, hein, d'où le sous-titre de ce livre, une histoire globale des bombardements aériens, qui va s'effondrer. Justement, cette distinction nette entre un centre européen, dans lequel certaines choses ne sont pas permises, par exemple, a priori, on n'attaque pas délibérément des populations civiles. Au moins depuis le XVIIe siècle, c'est, a priori, on ne le fait pas. Contrairement à l'extérieur de ce centre européen, on le fait. On l'a toujours fait, on ne s'en est pas caché. Qu'il ne s'agissait pas de vaincre une armée, mais de terroriser une population. Et donc ce partage va s'effondrer et donner lieu à d'autres lignes de fracture, essentiellement entre des lignes de fracture entre un centre du monde civilisé en voie de démocratisation et d'autres puissances qui vont constituer un défi à cet ordre mondial. Et là, le soldat même change de nature d'une certaine façon. Vous dites, Thomas Sippler, que avec l'avènement des bombardements aériens arrive aussi une démocratisation de la guerre, c'est-à-dire qu'une la guerre devient totale au point où les ouvriers finalement sont des cibles d'aussi bonnes cibles qu'un bataillon de campagne. Et vous expliquez bien d'ailleurs, et c'est assez frappant, que le cœur des cibles des bombardements aériens sont les quartiers ouvriers qui sont à proximité des sites industriels, qui sont le cœur de cette production et de cet effort de guerre. Tout à fait. C'est un peu la thèse, disons, provocatrice de ce livre, disons que... Oui, parce qu'on pensait qu'on allait bombarder des quartiers qui étaient des quartiers industriels pour justement mettre à mal l'effort de guerre de l'ennemi. Et vous vous dites qu'il faut regarder en dessous de la ligne de flottaison, pourrait-on dire... Bah, ces quartiers industriels, voilà, sont des quartiers ouvriers. Sont des quartiers ouvriers. Et la cible, c'est peut-être l'ouvrier autant que la puissance industrielle de l'ennemi. C'est assez clairement les deux. Hein. Donc évidemment, il s'agit d'affaiblir la production industrielle. Et cela peut se faire de deux façons. D'une part, en attaquant les installations telles quelles, évidemment, on fait, on essaye de faire. Et deuxièmement, en attaquant ceux qui sont en charge de les opérer, c'est-à-dire les ouvriers. C'est assez clair, les stratèges ne sont... Une guerre coloniale est une guerre de classe. Absolument. Je schématise un petit peu votre... On peut le dire comme ça, exactement. Oui. Afin de faire en sorte que cette population ouvrière va se dresser contre l'État et de l'amener à la révolte contre l'État. Mmh. Ce qui fait partie d'une stratégie de déstabilisation de l'ennemi. C'est absolument. C'est-à-dire faire naître parmi ces ouvriers qui sont le fer de lance de la production de guerre des surgissements révolutionnaires qui permettraient de l'intérieur déstabiliser l'État qui est visé par cette guerre. Absolument. Il est l'élément le moins intégré dans les sociétés modernes. Et donc c'est explicitement dit. Qui sont les penseurs, en l'occurrence Thomas Hispler, de cette stratégie, qui est une stratégie absolument diabolique, telle que vous la décrivez. Qui sont les penseurs de cette idée-là? Alors il y a toute une série, disons le plus connu certainement, c'est un général italien encore, qui s'appelle Giulio Due, qui est jusqu'à aujourd'hui connu, discuté comme ayant développé la stratégie la plus cohérente de ces bombardements. En même temps, il y a notamment en Grande-Bretagne une multitude de et aussi aux États-Unis de stratèges qui développent des idées plus ou moins similaires, mais de manière moins cohérente. Oui, alors il y a tout de même d'un côté les puissances de l'Axe et en particulier les Allemands qui vont bombarder Guernica pendant la guerre d'Espagne par exemple, et puis ensuite qui vont faire le Blitz sur Londres, et de l'autre côté il y a les bombardements de Dresde et tout un tas d'autres bombardements de Dresde, de Cologne ou de Hambourg, dites-vous, en 1943, qui sont aussi non pas simplement des réponses, mais peut-être même des attaques délibérées justement à ces quartiers ouvriers, Thomas. Absolument, oui. Et ensuite, évidemment, il y a le Japon. N'oublions pas le Japon, qui a subi les bombardements les plus lourds. Voilà. Ensuite, il y a néanmoins une différence entre, disons, ce qu'on peut globalement appeler les puissances hégémoniques et les puissances qui constituent un défi. En l'occurrence, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie n'a pas tellement comme finalité première de bombarder. Tout simplement parce que la finalité première, c'est d'occuper. Et d'utiliser les ressources du pays conquis. Et d'utiliser, exactement. Donc, du coup, dès qu'on veut occuper, forcément, le bombardement, on s'en sert parfois, mais c'est pas le cœur de la stratégie. Parce qu'il va falloir reconstruire, si jamais. Tout à fait. Et surtout, on ne peut pas, s'approprier le sol. Et donc, cela est différent pour la stratégie des alliés. Et de ce point de vue, c'est pas... par hasard que c'est essentiellement les Britanniques et les Américains qui misent comme moyen stratégique sur le bombardement à distance. Alors, à distance, même à très grande distance, puisque certains de ces bombardements auront lieu à 10 000 mètres d'altitude, qui sont donc très éloignés des cibles qu'ils sont censés viser, avec beaucoup d'imperfections. Et on sait combien, en particulier sur les territoires européens, beaucoup de populations civiles ont eu à pâtir de l'imprécision a priori des tirs. On parlera demain des cadets français qui étaient engagés dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont eu à bombarder des villes comme Le Havre ou comme Royan, qui ont été massivement détruites, y compris pour les lieux d'habitation, en l'occurrence, Thomas Hispler. C'est très difficile, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de viser précisément. Du coup, on se dit, si on ne peut pas frapper une usine, une gare en particulier, dans ce cas-là, on vise une cible suffisamment grande, genre une ville, avec beaucoup de bombardiers, et donc effectivement, on a une chance de détruire la cible en particulier. Mais ça reste toujours, malgré les avancées techniques, un peu aléatoire. Comment cette question du bombardement peut participer de cette idée d'une guerre propre? D'une guerre, vous parlez même de guerre civile, de guerre, alors attendez, j'ai perdu mes notes, de guerre de... une arme de la civilisation. Le bombardement comme arme de la civilisation. Cela ne veut pas forcément dire une guerre propre. Des guerres coloniales sont également des guerres pour la civilisation, très, très clairement. On colonise pour civiliser, et pourtant, personne n'a jamais prétendu que ce soit propre. Propre peut-être du côté de celui qui n'a pas à envoyer de troupes pour oui, prendre possession, oui, en tout cas pour figer un pays. De ce point de vue-là, effectivement, il y a, je crois, cela, il y a une vision de la nature de l'ennemi. à qui on s'attaque. Qui, donc dans les guerres coloniales, c'est assez clair, on s'attaque à ceux qui résistent à cette colonisation. Et dès que vous avez l'idée que la colonisation, c'est pour les fins du bien et de la civilisation, dans ce cas-là, automatiquement, ceux qui résistent sont évidemment des forces du mal. Contre lesquels on est quasiment en droit, peut-être même en devoir, d'utiliser les moyens les plus violents si nécessaire. Et quelque chose d'assez similaire, je crois, se passe plus tard en Europe, avec justement ce retour de cet ordre colonial dans le centre européen. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Thomas Hippler, parce que c'est votre thèse, une thèse très forte et qui a sûrement provoqué des débats, y compris dans les états-majors, si on vous y a lu, je ne sais, Thomas Hippler, qu'est-ce qui explique, selon vous, que la remise en cause du bombardement aérien n'ait pas eu lieu, même après la Seconde Guerre mondiale, même après le Vietnam et la napalmisation, même après la guerre d'Algérie où la France a aussi procédé à de nombreux bombardements sur les populations algériennes, etc., etc. Qu'est-ce qui explique qu'au bout du compte, il n'y ait pas eu, après Hiroshima, après Nagasaki, de remise en cause véritablement considérable, pourrait-on dire, et concertée de ce type de guerre ? Peut-être aussi un ajout, c'est-à-dire que la possibilité de bombardement, d'intervention par bombardement, est dans la Charte des Nations Unies, je crois que c'est l'article 45. Donc c'est une arme mondiale. On a effectivement cette idée de cosmopolitique pour une civilisation. Oui, je crois qu'il y a deux côtés de la réponse. D'une part, c'est même depuis les tout premiers bombardements, on a fait des évaluations qui étaient largement négatives, c'est-à-dire la fiabilité est très faible, etc. Et pourtant, on a considéré, pas complètement de manière absurde par ailleurs, que l'évolution des moyens techniques allait permettre d'obtenir des résultats plus probants par la suite. Deuxièmement, il faut également pas oublier qu'il y avait quand même des changements et des infléchissements de cette histoire. Des bombardements très massifs après la Deuxième Guerre mondiale sont restés dans les stratégies nucléaires. Mmh. Et en même temps, on a essayé, et ce développement va jusqu'à aujourd'hui, à frapper de manière beaucoup plus ciblée. La fameuse frappe chirurgicale. Exactement. Et on a là effectivement quelque chose qui existe également avec des résultats, il faut dire, pas beaucoup plus probants, mais quand même différents. Mais là aussi, vous avez une proposition intéressante, Thomas Hippler. Vous dites aussi que ces frappes chirurgicales, parfois, elles permettent aussi de soustraire ces actions militaires au débat démocratique. Tout à fait. C'est surtout en ce qui concerne l'utilisation de drones bombardiers depuis quelques années qui constitue un moyen, en les faisant opérer surtout par les services secrets états-uniens, de mener des actions qui sont des actions de guerre, une intensité de guerre, mais qui ne sont pas considérées telles quelles. Et de ce point de vue-là, ce ne sont pas discutées non plus de manière démocratique. Ne sont pas instruites juridiquement. Tout à fait, ça non plus. Absolument. Et cela, vous vous rapprochez évidemment des conclusions de quelqu'un qui, je crois, était assez proche de vous, et toujours assez proche de vous, à savoir Grégoire Chamaillou, qui avait réfléchi à cette question des drones dans une société démocratique. Merci beaucoup, Thomas Hippler, d'être venu présenter votre gouvernement du ciel, l'histoire globale des bombardements aériens, qu'on peut trouver encore aux éditions des Prairies ordinaires. Alors demain, nous allons parler de ces bombardements avec d'une autre manière, puisqu'il s'agit d'un documentaire signé William Irigoyen et Véronique Samouilov, qui ont recueilli les derniers témoignages des derniers survivants de ceux qui sont partis depuis l'Afrique du Nord pour rejoindre les États-Unis et apprendre, donc au moment de la libération de l'Afrique du Nord en 1942-1943, apprendre donc à piloter. Ils sont devenus pilotes de chasse ou pilotes de ligne après la guerre. J'ai fait mes classes à 8 km de Blida, dans une ferme réquisitionnée à l'époque, la ferme Lalande. Louis Xuereff, 18e détachement. Après 2 mois de classe, j'ai été expédié au CPPN à Casablanca. J'ai passé environ, je ne me souviens plus, 6 ou 8 mois. J'ai été acheminé ensuite sur Mersel Kibir pour m'embarquer à bord d'un Liberty Ship de Thomas W. Wide. Juste après le départ du bateau, j'avais un camarade, vous savez, dans l'armée, on a toujours un bon copain, là. Et le copain vient me voir en me disant, Georges, on est volontaire comme cuisinier. On va échapper aux autres corvées, et puis tu verras, ce sera très bien. En fait, les cuisines, c'était, vous savez, ces gros ballons en aluminium, dans lesquels on déversait les boîtes de corned beef, etc., etc. On faisait chauffer ça à la vapeur, mais une fois que c'était fait, on ne faisait plus rien. Et alors, on n'avait rien à faire, moi, je me mettais sous la passerelle du radio. C'était encore la guerre. Et on avait encore autour de nous des torpilleurs américains qui nous protégeaient. C'était l'occasion de se défouler quand ils passaient à côté de nous. On leur faisait des bras d'honneur, tout ça. Enfin, on s'amusait, quoi. Hein. Et sur le bateau, ils nous ont, à tous, on était 140, ils nous ont distribué une cartouche de cigarettes. C'était des Old Gold. Avec ces cigarettes-là, on jouait au poker. Et elles étaient tellement triturées que, à la fin du voyage, elles étaient infumables. Voilà l'histoire des cadets français de l'Oncle Sam. C'est le thème du documentaire de demain dans notre Histoire du Ciel. Ce documentaire, il est signé William Irigoyen et Véronique Samuilov. Ils nous racontent cette histoire peu connue de ces quelques milliers de Français qui ont rejoint les États-Unis pour revenir ensuite participer à l'effort de reconquête du pays. Et eux, ils étaient dans l'aviation. Ils ont participé, évidemment, pour certains d'entre eux, au bombardement de l'Europe. On les écoutera demain. Cette émission, comme toutes les autres, est très préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marseille, Jacques Hubert était aujourd'hui avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Et si cette semaine est consacrée au ciel dans la fabrique de l'histoire, la fin de semaine, c'est-à-dire samedi, eh bien nous serons avec les autres émissions de savoir et de connaissances de France Culture au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne pour la deuxième journée de forum de France Culture qui se déroule donc dans l'enceinte de la Sorbonne. Le thème de notre journée sera sexe et pouvoir et pour notre part en histoire, nous nous interrogerons sur les révolutions sexuelles. Qu'est-ce qu'une révolution sexuelle en histoire? C'est le thème de notre débat à partir de 10h samedi matin. Vous pouvez vous inscrire sur le site de France Culture et de la Maison de la Radio.